Oh, c'est pharmacien. J'ai qu'un médecin, c'est M. Serra. Le Tunisien balourd, j'en veux pas. Il parle en Tunisien avec moi. Parle français. On est en France. Sinon, c'est l'offense. Chaque jour, tous les jours, j'attends les trans. C'est pas des trans, c'est des transactions. Ils sont là comme des cons pour t'ouvrir la porte. Il faut attendre 11h15 pour monter. J'ai pas envie de forcer la porte. J'ai déjà cramé la fenêtre. Mais peut-être, M. Serra viendra me secourir. Le parcours, c'est un recours. Tu payes ses dettes, s'enrichit. Maintenant, tu payes pas tes dettes, on te fait la fourchette. Dans les yeux. Regarde-moi bien. Dès que j'aurai fini, je passerai la parole à Magali. Ça marche là? C'est mieux de mettre la météo, tu fais la météo de la semaine tout. TF1, tête de français numéro 1, antenne de ouf tes yeux, la 3 c'est des arrois, la 1 plus on connaît, la 5 tu trinques, l'idée 6. Je sais pas si t'as connu Rocheteau et Platini, l'Euro 82, Espagna 82. J'avais 12 ans, j'ai perdu Manuel la truelle. Je préfère les chrétiens que les putains de maghrébins. Elles n'ont laissé que des cicatrices peu profondes. Ce sont de lointaines blessures. 1, 2, 1, 2. Caractère de mon ministère, j'espère être clair, mais traite mon temps d'enfer. Espion, si tu es là, lève-toi. Un, deux. Parle que ton téléphone, on t'a volé. Si ça. On a volé son téléphone. Où ça? Quoi? Dans sa veste, pour aller faire en bas. Oui, là on l'a fait, mais tu veux la présenter? Non, on va vouloir faire tous les corps. Ne garde rien. Quand ça? C'est une fragile ficelle. Un, deux, un, deux. Après j'ai enlevé chez Darty, quand on s'est lancé, j'ai fait réparer, ils m'ont changé la carte mère, ils m'ont changé. Oui, mais les murs change tout le temps, parce qu'il y a des gens qui veulent pas. J'ai rien payé, c'était sous la chance. Ne garde rien. Qu'est-ce que tu veux parler toi aujourd'hui parce que... Mais moi on t'a dit, on voulait chanter, nous on t'a déjà dit, donc développe tes sujets. Ok, d'accord. Chacun un sujet sauf toi. Bah, tout ça, il va après, je t'ai dit, j'allais prendre le truc du micro parce qu'apparemment ça fait des semaines et des semaines. Tiens, je t'ai laissé les pulls de l'Amazonie, mais j'ai pas. Bonjour Radio Métanoïa. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Et toi, dis-moi où tu te trouves. Moi, moi, quand je suis à l'extérieur, ça va mieux qu'à l'intérieur. Mais nous sommes où, là? Pardon? On est en psychiatrie, ici. À Bondy, 9-3 en France, sur pinot.org. Le lion, là, présentateur principal, Martin. Je vais invoquer plein de choses sur toi. Il y a la mafia avec nous, il y a Madame Plâtre, il y a Madame que je connais pas, il y a Madame la chanteuse, il y a Jason. Voilà, l'animatrice, elle est là. Il y a la belle soignante. La belle Marie. Il y a Marco. Marie, si tu savais tout le mal qu'on nous a fait. Hey, tu rigoles ou quoi? Un jour, je dormais et il y avait la radio. Attends. Là, soit tu fais l'animation, soit tu racontes ta life. Mais... Ben là, je raconte ma life, là. Vas-y, ça te fait bien. Et j'écoutais, je dormais et d'un seul coup, j'ai senti un esprit, une présence. Et à la radio, c'était cette chanson qui passait, celle que tu viens de chanter. Du moment que tu l'as chié, c'est bon. Évacuation. Marco, il est bien aujourd'hui. Il est là avec nous. Charo dans la Latino zone. Latino dans la place. Mais quoi, tu ouvres le micro? Soit je suis un animateur, soit je suis... Il paraît que c'est une radio de merde. Déjà, du coup, pour moi, je vais... Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a demandé de mettre en live. Comment tu t'appelles, ma belle? Marie. Tu peux parler plus fort? Non, je ne veux pas m'asseoir. Non. Soit son avocat. Ah. Alors, moi, je suis Marie, étudiante infirmière en deuxième année. Les gens comme des chiens ici. Merci pour ta présentation. Malheureusement, il y a tellement de bruit qu'on ne s'entend pas parler. La chanteuse, c'était comment votre nom, s'il vous plaît? Aurore. Laura, enchantée pour la chanteuse. Voulez-vous chanter pour nous? Ouais, je vais chanter après. Mais pas... Tu vas chanter après, d'accord. Ben, Martin, j'essaye de faire quelque chose, mais... Le destin ne le permet pas. Il fait chaud. Mafia. Martin, on est à Bondy. Combien d'écouteurs nous avons là actuellement, ce téléspectateur là? Oui, mais sur Internet, il y en a combien qui nous écoutent? 2 minutes de silence, s'il vous plaît. Prends le micro. Martin, tu as mis une chanson pour le fond? Ouais. Mafia. Comment il s'appelle? Crian. Ah, il se passe rien. Il se passe rien, en effet. Il y a une chanson qui s'appelle Rien, et quoi encore? Tu peux faire autant que tu veux. 2, 3. Alors, je fais rien parce que j'aime Stark. J'aime Stark. Et je fais rien. J'aime Stark. Ah, c'est le nom d'un mec. Bonsoir. On est encore le jour. Bonjour à tous. Bienvenue à la radio. Comment s'appelle cette radio? Métanoïa. Si. Il faut la rebaptiser aujourd'hui parce que là. Bah, vas-y, trouve un nom. Radio... C'est la radio de la psychiatrie du 9-3, docteur Serra. Non, radio. Métanoïa. Voilà, le thème de la journée, trouver le nom de la nouvelle radio. Merci. Il nous a trouvé le thème de la journée. Il peut trouver le nom d'une nouvelle radio. Merci. On en parlera. Michael Jackson alias. Je vais être noté dessus, moi. J'en ai rien à foutre. On est où? On est à Bondy. Tu viens même pas, man. Avec la guitare, ça va être showtime avec Manu. Ça va être showtime. Tu sais très bien, on l'a fait le jour. Mais si on veut pas monter le truc de... Pourquoi tu te calmes pas, s'il te plaît? Y'a rien, you Marco. Marco. Marco. Tu veux monter des associations, tu veux prendre du stylo. Eh Marco. Marco. Tu veux pas redescendre un peu du TNS. Qui TNS. Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Eh bah t'as qu'à t'en aller. Tu fous le bordel ici. Va-t'en, s'il te plaît. Bonjour, Jason. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. T'as quel âge aujourd'hui avec nous? 22. T'as déjà grandi à 22 ans? Quoi? Tu te rappelles quand t'avais 17 ans? Ouais, ouais. C'est là où je t'ai connu, t'as l'âge de 17 ans. Johan, tu veux te rapprocher? Viens, on se fait une radio entre nous. Après. Dans combien de temps? 20 minutes en direct. Ouais, déjà, il y a combien de spectateurs sur Internet? C'est rien. Hein, Martin? Il y a combien de spectateurs en direct, là? Direct sur l'FM. Sur la... D'accord, j'ai compris. Sur Internet, je te demande, il y en a combien qui nous écoutent? On peut avoir ça. On peut avoir ça? Tu sais, j'ai essayé de t'écrire la dernière fois des commentaires. Je peux pas, je pourrais pas t'écrire des commentaires. J'ai appelé l'accueil pour qu'ils passent le téléphone ici à la radio, ils n'ont pas voulu. Bah, je connais pas ton numéro. On va pas le laisser comme ça, le studio. D'accord, on va regarder. C'est un objet dangereux, en effet, pour la psychiatrie. Tiens, Martin, tu as la responsabilité du ciseau. Tu te débrouilles plutôt mal. Tu as appelé à l'accueil, ils m'ont pas passé. Oui, ils m'ont pas passé la radio. Bon, mais là, on est là, hein, on est là. On est content que tu sois là. Tu es quelqu'un d'important dans la radio. Ah bon? Ouais, il y a des gens qui arrivent des fois et qu'on ne comprend pas les streams. Mais qui fait n'importe quoi. Pour remplacer ce petit truc de merde. Là, on va gagner une économie. Bon, on continue même s'il y a des gens. C'est normal, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Docteur Salé va repasser? Ça passe là, on écoute. Ça passe? Il y a un qui marche là. Il y a un qui marche? C'est pas branché? Si, tout marche. Viens, Nicolas, je prends le coup. Viens. Tu vas essayer la tête. Bon, dans 15 minutes, on est en direction de Victoria. Pour l'instant. On va mettre quoi? Tu veux passer ça? Voilà. Mais tu fais ça pour que juste avant, ça ne marche pas. Non mais t'inquiète, j'ai le maçon, mais si tu peux, si tu peux faire, tu connais Papa Hôtel? Papa Hôtel? Quoi? C'est Stromae? Pourquoi ça marche pas? Attends, ça démarre comment en fait encore? Coupe bordure sans fil 20 volts par side. Où est ton papa? Où est ton papa? Où est ton papa? Où est ton papa? Papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa. Un sacré papa. Mais c'était ça. Si vous pouvez me faire un truc comme ça tout à l'heure, après ça sera bien. Comme ça, hein. Si vous pouvez me faire un truc comme ça, ce serait bien tout à l'heure. Ça. Bon, on va mettre une chanson de Inacinio. Tu veux nous dire un peu, prendre un micro, Inacinio là. Non, c'est bon, c'est bon, j'ai une chanson sur... Je vais parler sur Adam et Ève, pourquoi les meufs, pourquoi les crimes, pourquoi c'est les hommes et c'est les femmes, et c'est tout. Comment faire pour changer la bonne route à l'heure où il faut et pour sortir de la difficulté? Super, il a pris ton téléphone là. Pourquoi tu l'as pris, ma caisse? Je vais le mettre direct dans l'enceinte là parce qu'il crache la musique bizarrement. Non, mais... Voilà. Mais on va pas écouter là, ça ouais, ton là, papa. Tu voulais qu'il parle en même temps écouter, donc lui la bonne baffe pour qu'il écoute la baffe. Si tu mets ton haut-parleur là-bas, ça va pas passer écoute, à la radio. Si tu fais ton chimique, fais ton chimique. Et Magania, s'il te plaît, là tu. Ça va pas connecté à la radio. Là tu casses tous les systèmes. Non, la radio elle est connectée au micro, donc si le micro entend, la radio entend. Donc arrête de prendre les gens pour des animaux. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Parce que là on fait un donat. On met son téléphone connecté à la baffe, comme ça s'il a envie de mettre de la musique, il met lui-même sa musique et les instrumentales, c'est lui qui gère. Oui, mais là on a chacun un. Lui, il est DJ de la radio. C'est pas toi qui impose. Tu nous as dit de prendre des trucs, on prend des responsabilités, tu n'en veux pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette radio? Là je mets sa musique et je mets la voix. Voilà. Vas-y, tu vas en arrière, t'es connecté, tu mets la musique, moi. On va monter le volume. On risque de casser la baraque, on va enlever l'extra basse. C'est toi que tu voulais mettre? Prends un micro, tu veux chanter dessus? Lâche tout en toi, lâche tout en toi, Latino, c'était pour toi, elle est pour toi cette là. Justement, mets une instru, Enial, mets une instrumentale. Pour toi cette là. Mets une instrumentale. Mets une instrumentale, type Tupac. Mets une instrumentale, type Tupac. Direct là, mets l'instrumentale, type Tupac. Non. Où est ton papa? Où est ton papa? Ouais. Ivana, ah ouais, c'est sur quoi? C'est sur du Tupac. Tupac? Oh, Tupac. Oui, mais là, on est sur... Là, t'as pas mis, t'as... Ça démarre? Ça démarre ou pas? Attention. Jack Mile. Fontan Moja. Et toute sa clique. Ça kick ça. Y'a Jojo Dudu. C'est Doudou. Yo yo. Doudou yo yo Makaya. Makaya BZ dash. BZK. Et le coronavirus est on arrivé. L'emmène. Y'en a qui mettent le masque. Mettent le feu, ouais, mon gars. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sous leur masque? C'est violent, mon gars. Comment on est chaud dans le système, ouais. Ok, ça fait. La basse n'est pas un problème, on passe en ganja système. La vie est un problème, là. Pour les gens qui n'ont pas de style, pour les gens qui s'épilent quand il faut pas. Moi, je mange la ganja, j'en place une pour les H d'Haïti, et de la colline, et de la cantine, et puis là-bas. Là-bas, mon gars, ouais, j'ai vu ton flow, ouais, là-bas, il était violent, mon gars, ouais. Ouais, mais sur du Tupac, c'est difficile de classer, faire un tas de billets, parce que moi, je l'expecte l'ancien, il faut le dédicacer. Et on est en train de le faire pour le refrain. Naltinho, Naltinho. Latino, vas-y, Latino, vas-y. Naltinho. Naltinho, est sérieux. Latino, Latino, Latino, Latino. Il sert des Latina, Écoute, écoute, écoute, écoute, yo. Il y en a qui jouent avec l'instrumental. Et il y en a qui ont le mental. Il y en a qui se mettent pas la tête. Même quand il faut la mettre en analogique. Dans ma street, j'ai une équipe. Elle est en train de se monter. Envers les femmes. Et il y a mon escroc derrière qui est là. Après tous vous baiser. Après mettre en place. Il va se libérer. Vous lui avez promis 2030 pour la fin du monde. Yu-Gi-Oh! Il vous l'a dit, ça vous fait pas peur. Moi je vous dis, c'est 2024 pour le Maghreb. Et pour ailleurs, c'est 2025, il y a une Afrique contrôlée par des ingénieurs de la télé-réalité où les couples ne font pas sur des claquements de doigts. Ouais, mais faut... Là, là, voilà. Voilà. Maintenant... Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Tu veux une instrumentale de Christophe Maé ? Oh, Christophe Maé ! Elle a mal de rire sans toi. Elle a mal, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Son sourire est sans lève d'un coup, il est sans amour. Ou alors je donne une autre, de mon allié. Alors j'en ai une autre de Christophe Maé. Ah, mais faut que tu suives le tempo aussi. Ouais, c'est le tempo après. Après, c'est est-ce qu'on connaît. Est-ce, est-ce, c'est parti, on va mettre Il est où le bonheur. Je pense que tout le monde la connaît. Il est où le bonheur. Il est où. C'est la guitare qui décide de notre démarche. Si, si, si, si, vas-y, si, si, si. Aussi, mais il faut que tu sois dans un ton, un rythmique. Et c'est l'instrumental qui décide. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est la liste des instruments. Je me présente toi, Doudou. Doudou, hein, présente. Doudou, je me présente, je m'appelle Douyoyo, mon prénom d'artiste. C'est comme ça qu'on m'appelle là-bas, là-bas, en Afrique, Cameruno, in Africa et. Et mélanger congolais. Mélanger avec Makaya et. Makaya et. J'ai Makaya. Pas le micro, Doudou, demande mon micro pour te, t'accompagner, s'il te plaît. Je m'entends pas, j'ai pas de retour. Mito. J'ai pas de retour. Mito. Le volume, s'il te plaît. Mito. Ben, ouais, mais là, il n'y a pas assez de volume. Voilà, merci. C'est un petit peu mieux déjà. On va pouvoir s'entendre entre musiciens parce qu'il faut que tu écoutes le musicien, en fait, les chanteurs. Parce que c'est pas toi qui gère la commande. C'est nous. Voilà. Donc, on peut refaire un pull-up sur l'instrumental parce qu'il y en a qui niquent tout. Donc, voilà. On repart. 5 minutes après, on commence. Ok. Nique pas, on a déjà commencé. Vas-y, ça marche. Redémarre-toi. Ouais, justement, respecte le travail un peu. Do you, yo? Do you, yo? Makaya. Makaya. Do you, yo? Makaya. Makaya. Vas-y, grand frère. Je te donne la poussière. Je te donne l'hélicoptère. La main d'un frère pour te relever. Mais toi-même, tu sais. Que dans la vie, des fois, on se retrouve solo, solo, solo. Soleil, soleil, soleil. C'est toi, c'est moi. Où est le bonheur? C'est quoi la nuit ce soir, ça? Ouais, attention, ouais. Bah ouais, bah ouais. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?

C'est reparti pour du yo-yo. Moi je préfère les gars détestent le gouvernement. Et c'est MFN16 orchestrer notre déclin. Scoop est lointain, le mal de 16 triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples assouffrent, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, flanc d'eau sans battre les reins. Ça change rien, notre train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? S'ils ont réussi à quitter la terre pour évoluer, arriver là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la potée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera mieux que mon 9-3. Car ici, c'est pas Watts, mais ça craint. Les petits en bout avec cran, les grands deals partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran. Aux îles Caïman, cela part longtemps. Et les lits de la justice soit clémente à son égard. Non, c'est bon. Vu de l'extérieur, ça rend perplexe. Yeah. Ça choque, ça égare. Et personne comme ça. Yeah. Ça, c'était un peu de moi et un peu de nous tous. Merci Fitz, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci Vince. Bon, on avait un boulot à faire, mon gars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, t'avais l'air plutôt chaud de la rythmique, là. Parce qu'il paraît que t'as croisé les yeux sensibles de Makaya Bezedash. Et que papa-maman t'a interdit de sentir quand il était avec Joseph Cotton. Et que t'étais invité à ma table. Mais que je suis resté tout seul comme un doux agneau. Et j'ai pris le place du berger. Et puis je suis le lion de la forêt. Et puis il paraît que mon ascendant, je l'ai contrôlé, ces poissons. Et je le savais pas. Et je suis pas sûr non plus. J'ai déjà vu un océan de faiblesse et j'étais sur une paresse et je m'étais arrêté là, même de tout. J'ai un bon son. Oui, dans 5 minutes on commence, là, il y a JF qui présente la radio. Tu vas dédicacer après. Tu peux le mettre sur le. Mais t'es déjà branché. Mais t'es déjà branché. En attendant, quand tu as des trucs de plus, tu fais des dédicaces parce que. Enlève la pub. Même si la pub m'appelle. Intéressante pour certains. J'en place une dédicacée au livre de la jungle mélangé au roi lion. Yes, I big up in the Naya. Benemaika. Again. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça les combats. Il est tellement loin, il a mangé les bites à Illuminati. J'en connais d'autres, c'est Diabs aussi. Gabon Bastai. Violent, ils t'ont lâché, violent, ils t'ont lâché. B2O soi-disant, c'est B2ZR. Il est pas aimé à Colom, mais t'inquiète pas, Il paraît que t'as un paquet de billets, Poupa, moi j'en connais qui t'ont provoqué. Hier soir j'étais avec Aya Nakamura sur Facebook. Violent, violent, t'as validé cette Jason, prends un micro, Jason. Prends un micro. Thank you. Une minute de radio. 1, 2. Jason, tu réponds. Réponds vite, allez, réponds. Mets le micro comme ça, Jason. T'es le plus jeune, Jason. 1, 2, Jason. Bonjour, Jason. Bonjour, réponds. Bonjour. Bonjour, Jason. Alors, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Est-ce que t'as... qu'est-ce que tu écoutes en... qu'est-ce que tu aimes, tu préfères dans la musique? Qu'est-ce qui t'intéresse? Vinnie Paz. Tu veux présenter quel est le programme d'aujourd'hui? Oui, vas-y, le programme, c'est Alain qui l'a. Allô, on est en direct dans 30 secondes, 30 secondes. On est en allô. Allô. 3 secondes. 3, c'est bon. Attends, on va. JF va présenter le programme. Là. Vas-y, on va commencer l'émission. Trente secondes. Vas-y, 1, 2, 3. Donc 30 secondes, Radio Metanoia arrive. Je te mets un peu de musique comme ça. Vas-y. Il est 17h, vas-y. Allô. Bonjour, ici Radio Metanoia. La régie de M. Bézo Serra. Ingénieur Monsieur Martin, ingénieur du son, animateur. C'est un animateur, ingénieur du son. Faut que les gens soient à leur place. Tu peux laisser parler. Non, mais on est en direct, j'aime bien direct. Ouais. Stream time. C'est un stream. Ouais, laisse présenter. On n'est pas en live, donc détendez-vous, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Tu laisses présenter la musique. Je t'en prie, fais ton boulot. Oui, mais laisse que je présente, tiens. Je ne sais pas lire ça, tu sais lire, viens avec moi. Si tu as écrit ça, c'est toi. Oui, tu vas le faire, on va donner la parole à chacun. On est là, on est direct de l'hôpital de Bondy. Chacun va à sa moisson pour parler. JF et Alain présentent le nom. Voilà. Et Vincent après va parler. Ouais, c'est moi, Vincent. Attends. Il y a Magali qui veut parler d'Arto. Tu veux parler d'Arto? Il va parler d'Arto, oui. Maîtrise. Tu peux prendre le micro et. Tu peux te mettre à côté, Magali. Donc, Antonin Artaud est né en 1896 et mort en 1948. Allô. Il a été à la fois poète, écrivain, essayiste, auteur, dessinateur et théoricien de terrasse. Il a tenté de transformer en profondeur la littérature, le théâtre et le cinéma. Dans une lettre en 1932, il dit « Il n'est pas juste, il est odieux que l'argent barre la route aux idées et que vous, par exemple, soyez mis dans l'impossibilité de faire le théâtre qui vous plairait parce qu'il faut qu'une pièce rapporte et que seules les pièces d'un niveau médiocre et qui ne heurtent rien de face sont capables de rapporter. » Il a été un génie pour certains, un fou pour d'autres. Dans ses lettres, comme dans toute son œuvre, Antonin Artaud parle de la maladie, de la souffrance de son corps, de son attachement aux drogues, mais aussi des médecins qui le torturent et le soulagent, et de ses séjours à l'hôpital psychiatrique. Donc je propose qu'on écoute une chanson de Saez, Les Fils d'Artaud, pour s'imprégner un petit peu de l'esprit. La fleur de mes nuits, amoureux dans l'incendie, tes yeux qui salivent à ces choses qui arrivent. Aux horizons du soir, pourquoi pas à l'espoir, à ces vins qui tiennent chaud, à nos ivres bateaux, au plaisir, au désir, de tout quitter sur un soupir, aux adieux, toujours, aux promesses, aux amours, aux noirceurs, à nos cœurs, aux lueurs, à nos peurs, à ton cœur fatigué, à nos travers, nos libertés, à nos bouches essoufflées, à trop les embrasser. À nos bouches essoufflées, à trop les embrasser. Au bis- bistrot résistant aux alternatifs enfants, aux violettes, aux printemps, aux obscurs, aux arborescents. On avait réchoué sur les trottoirs condamnés à ces champs des esclaves, ces océans sans rivage, aux enfants de Truffaut, à nous les fils d'Artaud, aux amours sans chapelle, aux nuits à bouffer ton fiel, aux coins des abat-jours, aux armes de nos amours, à nos sangs littéraires, à nous deux, à la terre, aux siècles sans talent, aux gloires pour des quarts d'heure de temps, à ton parfum de spleen, à s'aimer sous le chant du cygne, au sens des écritures, au fil des littératures, au pays sans frontières, aux coups de marteau sur les nerfs, aux armées d'oubliés, à nous les désespérés, à nos cœurs gorgés, à nos corps embrassés, à nos corps gorgés, à nos cœurs embrassés. Le jour se lève, je le vois, le silence aux horizons, le jardin des enfants, je crois qu'il est mort le pansement. Sur ce le soir morose, mais les écorches ironiques, gardons le souvenir de mon pansement. Le chant du vent des plaines nous mènera au printemps. Et qui sait sur les chemins chanter le chant des partisans. Nous serons fiers, nous serons un, notre sang sera du vent. Nous avons pour soigner la terre, nos infinis contre le rien. L'ami vient te joindre à la table, non c'est pas celle du roi. Les amis sont solidaires, mon amour sera pour toi. Les vagabonds des soleils noirs, loin des villes sans lumière. Gardez au fond un espoir, celui des lois dans voilà le goût du souffle, nous elle éclaire comme un millier de chandelles en procession, des oriflammes à l'horizon. Nous on offre sous les grands ours, non nous ne sommes pas funéraires, sans fils de la renaissance, sous le drapeau des libertaires. Sous le drapeau. Sarto voyage au Mexique et découvre les Indiens Tara ou Maras. En 1937, il part en Irlande et à son retour, il est interné d'office à l'hôpital psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen et il fait paraître son livre « Le théâtre et son double ». Entre 1937 et 1946, 9 ans s'écoulent, 9 ans d'internement à Sainte-Anne, à Villévrard, puis à Rodez. À Rodez, il est livré aux soins du docteur Gaston Ferdière, qui lui administre 41 électrochocs alors qu'il ne pèse que 55 kilos. Il faut savoir qu'on parle de la psychiatrie avant 1950 et de la découverte à l'époque des électrochocs et de comment ils étaient administrés avant 1950, avant 1960, de façon non arbitraire. Donc, le docteur Gassio affirme de Antonin Artaud qu'il souffre de tout, mais il pense d'abord qu'il a affaire à un homme doué d'une formidable capacité de création. Artaud fait une conférence en 1947, il raconte sa vie d'interné, accuse la société et il écrit Van Gogh, le suicidé de la société et Arthur le Momo. Mis au point en Italie en 1938 et appliqué à l'homme en 1939, héritier des techniques de choc et des sismothérapies, l'électrochoc connaît entre 1939 et 1946 un développement considérable. Et donc l'œuvre et la vie d'Antonin Artaud interfèrent avec l'histoire de l'électrochoc. Avant 1960, les électrochocs se pratiquaient sans anesthésie et on ne demandait pas leurs avis aux patients. Il y a un poème « Aliénation et magie noire » de Antonin Artaud qu'on lira peut-être à la fin si on a un petit temps. Sinon, je voulais vous citer quelques passages comme tiré de l'ombilique des limbes. « Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés, depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de phrases, direction antérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellect. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute la pensée. » Il dit aussi « tous les rêves sont vrais. J'ai le sentiment d'aspérité, de paysage comme sculpté, de morceaux de terre ondoyants recouverts d'une sorte de sable frais dont le sens veut dire regret, déception, abandon, rupture, quand nous reviendrons. » Dans Van Gogh, le suicidé de la société, Antonin Artaud dit « Quand je suis malade, c'est que je suis envoûté et je ne peux pas me croire malade si je ne crois pas d'autre part que quelqu'un a intérêt à m'enlever ma santé et à profiter de ma santé. » Van Gogh aussi croyait qu'il était envoûté et il le disait. Méfiez-vous des beaux paysages de Van Gogh, tourbillonnants et pacifiques, convulsés et pacifiés. C'est la santé entre deux reprises de la fièvre chaude qui va passer. C'est la fièvre entre deux reprises d'une insurrection de bonne santé. Un jour, la peinture de Van Gogh, armée et de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter. Dans une lettre à sa mère, il écrit sur l'électrochoc en disant « Ici, il y a un traitement affreux qui s'appelle l'électrochoc. Ça dure à chaque fois un mois et ça me fait perdre pendant deux mois l'intelligence et la mémoire. C'est un traitement par lequel le docteur Ferdière ne cesse de me faire passer. Et je ne veux plus que ça recommence. Et il ne faut plus que ça recommence parce que ma conscience s'en va à chaque traitement et ça ne revient qu'au bout de deux ou trois mois. Et j'ai besoin de ma conscience pour vivre, être et travailler. » Ce traitement est une torture affreuse parce qu'on se sent à chaque application suffoqué et tombé comme dans un gouffre dont la pensée ne revient plus. Quant à la médecine des laboratoires, incapable de percevoir l'âme subtile et fugace des maladies, elle traite l'homme vivant comme s'il était un cadavre. Donc voilà ce que je voulais dire d'Antonin Artaud, c'est un bref résumé. Et puis si on a le temps à la fin, je lirai un poème d'Antonin Artaud, « Aliénation et magie noire ». Voilà, alors après, on avait quelqu'un qui voulait parler aussi de la psychiatrie, je crois. C'est Mohamed qui veut parler de la psychiatrie, mais il attend son psychiatre qui vient. Mohamed, c'est ton tour. Mohamed, il veut parler de la psychiatrie, là, mais il attend son psychiatre. Mais comme Mohamed, le prophète, c'est un remède. Il fait les choses, il improvise. Vas-y, Mohamed, prends le micro, s'il te plaît. C'est ton tour. Tu peux continuer après, ça. Et après, elle va jouer la guitare. On va, oui, non, mais ça, il y a le temps encore. On a encore 50 minutes sur Radio Métanoïa, en direct de la clinique de Bondy. Vas-y, Mohamed, prophète. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai un succès, année 89, pot de ville. 4000 œufs, le pot. Maintenant, si tu peux être sur l'eau, écoute pas les psychos. C'est un drame. la chambre 10, la chambre 11. Ils se prennent pour des médecins. En vrai, c'est eux qui mangent super bien. Mon psychiatre, j'attends. Il va me faire de la gratte. C'est pas des pâtes, c'est de la gratte. Maintenant, vous mettez Marvin Gaye. Let's go, non. S'il vous plaît, maître. J'adore, Mohamed, comme toi, tu peux improviser hein, des textes, des poèmes. Là. Mais là, c'était sur les psychiatres. Ouais. Prends le micro pour parler avec. Ouais. J'ai qu'un psychiatre et un psychologue. Ouais. Et un addictologue. On fume. Quand on fume, on assume. Ouais. Le médecin Valour, c'est un interne. Après l'entretien, il fume deux Malbaré. Des Malboro. Malbaré, Malboro. C'est pas zéro. Maintenant, je vais dire un truc. C'est pas des trucs. Il y a trop de sel. La toupie, tu la connais? Vers le Franprix, le Aldi, le CMP. Bande d'enculés. Le CMP, il travaille avec le commissariat de Bondy. On va écouter l'autre. Section d'assaut. Mais moi, je vais faire un sursaut. J'ai envie de partir et revenir après-demain. Mais demain, c'est loin. Maintenant, encore une fois, c'est pas du chocolat. On a fumé. Le tam-tam, il y a une fleur de cannabis. Peace. Sur la police. Tu parles trop fort. En plus, t'as tort. Quel intérêt? Maintenant, t'as des remords. Comme les louvards qui ressemblent des coquards. À cause d'un mec à qui t'as donné un rencard. Stop. Emballe ta caisse. Fais preuve de dignité, mais aussi de sagesse. Laisse courir le bruit à ton propos. Oui, car maintenant, tu parles trop. Ouais, super. Waouh, je suis admiratif de Mohamed, comment ça va vite sans sa tête. Vas-y, JF, c'est quoi, qu'est-ce que ça continue le programme là? JF, c'était un message pour les psychiatres. Là, c'est quoi le programme 3? Allô, JF, c'est quoi le programme numéro 3? Allô, allô. Bonjour. Radio Métanoïa vous dit bonjour. Maintenant, on va vous présenter Aurore. Une chanteuse compositrice qui va vous chanter une chanson qui s'appelle Rien. Oui, il faut mettre le micro, Mathilde. Oui, voilà. Tu peux rajouter un peu. Un peu plus bas, peut-être. Tu veux chanter aussi? Donc, il faut un autre pour la voix, quelqu'un qui l'amène à. Tu peux tenir un micro pour sa voix? Attends. Il faut donner le numéro de micro pour voir quels sont le 4-5, 4-5-7. Ça, c'est le 3, je crois. C'est quel. Quel numéro le micro, les trois? Trois. J'ai mis du soleil dans ma voix et du poivre sur tes ailes pour que les anges d'ici-bas nous crachent leurs décibels. J'ai mis mes escarpins de pluie pour monter jusqu'au ciel. Et là, rien, rien, rien qu'une boule de feu qui traverse la mer. J'ai pris un avion jusqu'au Mexique. J'ai la crinoline de tes rêves, de feu, de paille, de sucre aux couleurs, de la sève, du musc, du benjoin, de l'encens et des trèfles. traîne ses 16 détabis. Trois pluies de rêve, j'ai divagué jusqu'au golfe du Mexique. Et là, rien, rien, rien que ton visage sur les arbres. Rien que ton visage. Pris la pirogue imaginaire qui mène à Horus, celui qui dépose dans mon cœur tes yeux de papyrus. Et là, rien, rien, rien qu'une boule de feu qui traverse la mer. Rien qu'une boule de feu qui traverse la mer. Le sens de mes rêves, la tête au sud, les pieds au nord, au septentrion de tes lèvres, une pensée qui m'honore et qui traverse un océan, mérite d'être approfondie. Mais là, rien, rien, rien que le goût des rêves et le son du vague. Rien que le goût des rêves et le son du vague. Rien que le goût des rêves et le son du vague. J'ai mis du soleil dans ma voix et du poivre sur tes ailes pour que les anges d'ici-bas nous crachent leurs décibels. J'ai mis mes escarpins de pluie pour monter jusqu'au ciel. Et là, rien, rien, rien qu'une boule de feu qui traverse la mer. Rien que le goût des rêves et le son du vague. Rien que le goût des rêves et le son du vague. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, hein. Tu peux. Aurore, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta musique que tu fais? Prends le micro, tu peux dire quelque chose. C'est quoi? Ouais, cette chanson, je l'ai écrite un matin au réveil, à 7h, 8h. Entre 7h et 8h, je pense. Ouais. C'est une chanson du matin, elles sont plus légères. Enfin. Plus lumineuse que celle du soir. Oui. Et c'est une chanson sur la déception amoureuse, c'est-à-dire où l'incapacité à oublier l'être aimé et même à lui dire, en fait. Ouais. C'est une chanson sur la timidité. Au lieu de dire à un homme que je l'aime, je pars au Mexique et sur la plage, je me dis « Ah mince, j'arrive pas à l'oublier. Ouais. » Je vais dans la jungle et je vois son visage sur les arbres et je me dis « En fait, ça sert à rien d'aller au fin fond du Mexique. » Donc, ciao Yucatan, je rentre à Strasbourg et je vais essayer de lui dire. Mais. Quoi, que vous l'aimez? Ouais. Ah. J'y arrive pas. C'est vraiment une histoire vraie ou c'est. Oui, c'est une histoire vraie. Ah. Toutes les histoires sont vraies. Ah, d'accord. Ok, ok. À leur manière. Il y a toujours une part de vérité. Excuse-moi, mets la touche. Ouais. Juste après, Aura, c'est toi. C'est une manière assez, soit par euphémisme, soit l'inverse, de parler même des choses en mélangeant des mots et en parlant d'une façon un peu plus opaque que quand on parle 100% concret dans la vie, quoi. Merci, Magali. C'est exactement ça, en fait. Tu as complètement défini cet art de l'euphémisme et du détour. Alors ça, c'est incroyable que ça sorte. Ouais, ouais, tout à fait. Ça m'étonne pas que tu apprécies Artaud. Et le détour, ouais, c'est les chansons, c'est des détours pour s'exprimer. Pour les gens introvertis, mutiques. Quand les gens me touchent, j'arrive pas à leur parler, en fait. Je suis obligée d'aller à l'autre bout du monde ou d'écrire des chansons toute seule chez moi, au fond de ma cave. Enfin, dans ma belle... maison. Vous écrivez les chansons dans la cave, dans le lit, sur une tombe. Je sais pas, moi, il y a des endroits pour écrire des chansons dans les bois. Je sais que Patti Smith écrivait sur les tombes. Elle est même allée voir la tombe de Rimbaud pour écrire. Comme celui qui écrivait sur les tombes. Mais moi, je fais pas ça parce que comme je suis un peu super, enfin superstitieuse, non, parce que j'ai fait des études de philo et je suis assez scientifique et rationnelle, mais je ne me verrais pas écrire sur une tombe, j'aurais peur que mon texte soit un peu triste. Bah, Demi Soussos écrivait sur les tombes. Ouais. Demi Soussos, vous connaissez Demi Soussos? Véronique Sanson, ouais, bien non, sûr. Demi Soussos. Ah non, je connais. Il écrivait sur des tombes. D'accord. Toutes ses chansons, il est dans les cimetières écrit sur les tombes. Non, non, bah, c'est dans ma cuisine en regardant mon jardin chez moi. Sur une table en un bois, nous. Normal. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Jason? Qu'est-ce que tu en penses de la chanson, Jason? Elle est bien. Elle est bien? Qu'est-ce que tu en penses dans le phrasé? Ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Si ça marche. Ouais, est-ce que t'as retenu un mot? Moi, je crois que là, pas trop. Il n'y a pas un mot qui t'a parlé elle plus? Elle est bien, la chanson. Escarpin ou bien je sais la pas. Chanson. Ah ouais, escarpin, on le retient souvent. Parce qu'il n'est pas souvent utilisé dans les chansons, du coup, oui, les gens le retiennent. Mais le détour, c'est la première. Ce qui est extraordinaire avec cette chanson, c'est que tout le monde a une autre interprétation. Et t'es la première à me parler de détour et d'euphémisme, et c'est exactement ça, en fait. C'est assez touchant. Ouais, vraiment. Ouais, merci d'être là. Et tous les mercredis, tu es bienvenu. Hein. On est là. En fait, tu joues où? En fait, tu joues chez toi? T'as quelqu'un? T'as un endroit spécial ou t'as un studio? Tu fais quoi en fait? Bah, j'ai un studio chez moi et d'accord. Je joue pour mes amis. Je fais des concerts privés dans ma maison à okay. Nordheim, dans le 67. T'as besoin de 67? Ouais. Ah ok. Pourrais-je te poser une question? D'où vient ces bribes de chansons que tu écris? D'où vient ces? Ces bribes. Bah, celle-là, elle est venue d'une seule traite, c'est-à-dire que j'ai pas changé un seul mot entre le moment où je l'ai écrite sur mon brouillon et aujourd'hui. D'accord. Elle est venue le matin. J'avais fait un rêve avec un visage, le Mexique et Horus. Je voyais l'œil d'Horus et c'est sorti comme ça. Bah, c'est fort, c'est bien. Tu souhaites. Ouais. Okay. Magnifique, ouais, c'est là. Ouais, hein. pareil, on voit la création. Quoi. Elle paraît timide aussi un petit peu. Hein. Ouais, ouais. Bon, merci Aurore. Là, on merci passe Aurore. À JF Ossian. C'est quoi le Jean-François Ossian qui est là, qui fait DJ, qui fait l'astrologie astrale. Aurore, peux-tu me dire sur. Voilà. Aurore, toi qui es musicienne et enfin compositrice et comment dire auteur. Peux-tu me donner en chiffres 5 chiffres de 1 à 22 pas les mêmes? De 1 à 1 à 22 pas les mêmes. De 1 à 22 pas les mêmes. Alors le micro. Ouais, c'est le micro, c'est bon. 2 7 5. Attends. 2 7 5, oui. 10 12. Donc déjà, à la base, t'es pendue toi-même toute seule. C'est toi qui es pendue toute seule dans la vie, t'es pendue toute seule. Tu as un enfant? Non. T'as une maman? Encore non, non plus. Donc t'as vraiment une certaine sagesse en toi-même. T'as une certaine paix. Non? Ça a l'air... Bon. C'est bizarre, les chiffres. Vraiment, j'arrive pas à capter. De quel signe que tu es? Sagittaire. Bah, ça arrive à tout, un Sagittaire. Prends micro pour parler parce que sinon. Un Sagittaire, ça arrive à tout. Ça arrive assez fin jusqu'au bout. Oui. Et ascendant? Scorpion, mais je crois pas du tout à l'astrologie. Après, je veux bien t'écouter, je fais une exception. Oui, bien sûr. De toute façon, un Sagittaire, déjà, ça arrive à tout. Quand ça aboutit à un travail, ça arrive à ce que ça veut. Quand ça veut faire ça, ils arrivent à ce qu'ils veulent. Ils arrivent jusqu'au bout, ils font le travail jusqu'au bout. Scorpion, bah, c'est-à-dire que c'est un peu rancunier, Scorpion. T'es rancunier ? Ouais. Et quand tu rends la paresse, ça met du temps, mais ça fait mal. Non, je me venge pas. Ah, quand même. C'est pour ça que j'ai de l'énergie, parce que... Je crois que tu perds pas ton temps. Je me venge pas. C'est bien. Mais c'est dur, hein. J'ai déjà été tentée. Ah, quand même, tu y as pensé. J'y ai pensé. La pensée était là. Mais je l'ai chassée, la pensée. C'est bien. Tu rigoles assez bien. Ton magnétisme que tu dégages, c'est bon. Ça rayonne, ça représente le soleil. Il y a de l'argent. Quoi ? Pour toi, il y a de l'argent, en tout cas. C'est-à-dire, ça représente la roue de la fortune. Le chariot. T'auras un peu d'argent. Ça va. T'auras un peu d'argent, toujours un peu d'argent. Tu ne seras pas en manque. T'as une bonne étoile derrière toi. C'est ce qui t'apaise, qui te met une certaine sagesse en paix. Petite tempérance dans ton caractère, t'as un caractère qui pète comme ça, non ? Ça, quand ça arrive, ça fait mal. Oui, bon, mais ça arrive on pas dit souvent. Tempérance de l'eau dans ton vin. C'est un peu ça. D'accord ? Tu vois, j'ai maigri. 10, t'es très riche intérieurement. Tu lis beaucoup ? Ouais. Voilà, t'es très riche intérieurement. T'as beaucoup de choses à raconter dans la vie, à raconter dans tes chansons. Essaiera, tu repartiras avec ton balou vers ça d'ailleurs. Tu repartiras de toi-même dans cette direction, dans cette direction pour raconter ta vie, tes voix ça. T'es une chanteuse à texte, pas une chanson amour oui, mais à texte surtout. Moi, je pense. Dommage. Moi, j'aimerais bien être Britney Spears. Hein. Oui, tu peux faire des chansons d'amour peut-être, mais t'es voué à une chanson. Ton physique et tout me fait penser beaucoup plus à une chanteuse à texte comme du Ferrat, comme du Ferrer, comme du Pau. À ce point-là, non. Ça parle d'amour aussi, mais tu peux mélanger les deux. Je pense que tu sais quand même naviguer avec les deux. Ça, il n'y a pas de problème. Bonne étoile, non. Non. C'est bon. Non, t'as vraiment de très bons chiffres. Attends, je vais faire quelque chose de tout. T'es toute seule à faire ça. Ouais, bah oui. Ça se voit. Parce que ça représente l'ermite. Donc tu te diriges par toi-même. Pas le choix, ouais. Oui, bah, tu te diriges par toi-même. Toute ta vie, tu seras comme ça. Parce que tu aimes ce que tu fais et tu sais ce que tu fais. Oh, il y aura des rencontres, certainement, mais t'es quand même quelqu'un qui a du tempérament, je pense. Tu le caches intérieurement, mais tu l'as. Il suffit que tu le ressortes un peu. Quand tu dois te mettre en colère, j'en suis sûr que tu ressortes ton tempérament. Comme tout le monde, mais la colère, ça... Non, mais la colère, tu vois vraiment le tempérament de la personne. On n'est pas obligé de la faire éclater, ça se gère, on peut la contenir pour pas blesser les autres. Oui, on doit la gérer, hein, tempérance de l'eau dans le vin, mais... Sinon, il y a aller en forêt et crier sous un bon arbre, coup, crier. Comme ça on blesse personne. C'est pratique, moi j'ai une forêt derrière chez moi. C'est vrai, à Strasbourg ? Non, à Nordheim. Nordheim, c'est à côté de Strasbourg, mais il y a une forêt et des champs. Ça permet d'aller crier, sans c'est embêter bien. Personne. Ouais, c'est bien. Plutôt que de porter plainte contre quelqu'un, plutôt que d'aller se venger, on va crier sous les arbres. Ouais. C'est mieux. Et les arbres nous renvoient de l'énergie. Et oui, les arbres renvoient l'énergie. Il y a des méthodes aussi. Se mettre tout nu devant un arbre. Je reste habillé. Non, mais d'accord. Je te donne un exemple. Pour avoir le magnétisme de l'arbre, il faut se mettre tout nu et se mettre prendre l'arbre. Se mettre à pied joint, à pied seul, et prendre l'arbre comme ça, et tu verras que l'énergie vient tout seul. C'est l'énergie de la nature. Là. Ça t'enrichit, ça enlève les mauvaises énergies. Ça t'enrichit, tu restes 10 minutes, tu vas voir comment. Tu fermes les yeux, tu sens vraiment Voilà, il y a des méthodes, il y a des trucs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ta vie est compliquée. Il y a dû avoir des hauts et des bas. Comme tout le monde. Oui, mais là, on voit que t'es triste. Derrière, il y a de la richesse derrière. Et maintenant, il faut sortir, il faut que ça dégage dans des textes, dans des... Et t'es fait pour ça. Hein? Non, non, vraiment, c'est bien. T'as le bon chiffre, non. Il n'y a rien à dire. C'est terminé l'astrologie astrale. Merci, terminé. Merci. Mais vraiment, c'est de bonnes choses. Je te dois combien? Rien. Ah, wow, merci. C'est gratuit. C'est Jean-François Ossian et sa colonne astrologique et astrale et tout ça. Et là, il y a Ivana qui va nous parler quelque part. C'est là, Ivana. Ivana, c'est ton tour. Ivana, c'est ton tour. Ivana, c'est ton tour. C'est moi que je sais la musique, là, astral, c'est là. Alors, Ivana, tu peux présenter Ivana à Jean-François? Bonjour Ivana. Bonjour Ivana. Qu'est-ce que tu nous présentes? Elle va nous parler des dieux aujourd'hui. Je me suis présentée. Je suis présentée là? Oui, tu c'est à ton tour maintenant. Bon, c'est à mon tour maintenant. Je suis présentée. Je m'appelle Ivana. Et j'ai passé une journée atroce. Comme ça. Mais non, mal. Pourquoi atroce, tu dis atroce? Parce que je sais pas. Il faut que je descende, Martin. Mais toi, tu voulais parler des dieux. Est-ce que tu peux? Non, mais je veux plus parler des dieux. Tu voulais parler 30 secondes de Dieu avant de je veux plus parler de Dieu. Tu veux parler de quoi? De rien. Tu parlais de tes rêves. Mes rêves, je suis la reine de l'univers. Je m'appelle Ivana et je suis la fille de Dieu. Croyez en moi. Est-ce que tu as un message à nous donner, à nous, humains, en tant que fille de Dieu? La flemme. Descendez-moi, s'il vous plaît. Ok. Bon, on ira. Ivana, la prochaine fois, tu passes avant. Ok. Mais je ne peux pas laisser seule la radio. Faut que tu attends un peu, tu cherches quelqu'un. Oui, non, mais elle n'est pas... Mais oui, alors, c'est toi, Jason. Vas-y. Jason va mettre la musique. Amène ta musique. Merci, Ivana. Jason, maintenant, on va préparer. Il va nous amène sa musique, il va la présenter lui-même, donc pas un pépin comme ça au micro, parce que sinon on n'aura plus. Jason, attends. Sa musique. Vas-y, mets play. Vas-y, Jason, prépare sa musique. Il va déraper. Jason. Vas-y. Jason va vous présenter une musique de rap qu'il aime. Prends le micro. C'est quel numéro, micro? I'm gonna get rich, yeah. Years later, I'm quietly moving up the ladder. Trying hard, realizing that it doesn't matter. My wife told me, baby, money doesn't buy Lexus. Money doesn't buy robes, it just buys attention. I kissed her on her head and told her she was right. But she couldn't understand and see the coldness of the flight. Couldn't understand why it's so cold for me at night. Cause political bribery just put me in the vice. But there's always implicitly some string that's attached. Why a motherfucker think he got wings on his back? Yeah. Assassin, assassin. I've been working for the devil too long. Yeah. I've been working for the devil too long. Yeah. You see, I prayed on things, and then I prayed on them, and I took it to the court. Une conscience d'aveugle pour chanter là-dessus. Oui, on fait une pause là parce qu'on a un changement de pile. Non, l'instru reggae, s'il te plaît, et parce que Makaya arrive. Ah, astru, fait, on attend un instru. Astru, puis il y a Makaya, après Vincent et Johan. Raga Dance Hall, s'il te plaît. Raga Dance Hall, pour tout le monde là. Pour tous. La forêt amazonienne là. Ouais, parce qu'il était dans la tribu de Dana, wesh. Ouais. Allô, allô. Après, tu peux nous mettre un disque, JF, si tu veux. Tu veux pas mettre un truc sur vinyle ? Yes, merci. N'importe. Faut essayer de kicker avec les escrocs. Sans casque et sans filet. madame, désolé. Hein. Désolé d'être... ce qu'on est, hein. Puis on aurait bien aimé faire autre chose, hein. Là, enfin, tu l'as constaté, hein, je peux me permettre. C'est présenté, j'ai déjà oublié ton nom, donc voilà quoi. Les instruments, moi j'en cherche un, je te le dis. C'est parti, mon gars. Voilà. D'après, on y va. Ouais, on attend. Après la pub. Il y a le marchand de glace, t'as vu. Ça veut dire on donne un bonbon, hein, des Mikado et des Miko. C'est moi qui paye l'addition. C'est parti. Ça a fait. Le monde. Tu peux monter le volume, s'il te plaît, parce qu'un chanteur de reggae sans la basse, il te fait rien, man. C'est la basse qui détermine le volume. Parce que là, on est dans du reggae. S'il n'y a pas de basse, on peut pas chanter. Donc, je sais pas, à un moment donné, il faut que tu suives les règles de certaines règles. Soit de la radio, soit de la télé, soit quelque chose, quoi. Augmenter le volume. Il est pas à fond, je la radio, le Rastaman, que je déconne, donc je vais mettre un casque. Fais-moi un casque. Merci. Pardon, Dudou. C'est à fond ça. Putain, je préférais le mien, c'est pas grave. Sur un petit air de reggae, le calice est venu de l'autre côté. On est parti le chercher, où on l'a fait grimper. La plante verte, on l'a fumée depuis longtemps déjà. Un split de ganja, de la marijuana. Quand j'étais jeune, c'était comme ça que ça se passait. Tous les soirs de la semaine, j'allais dans la cité chercher ma récolte. Ok, j'en place une pour un voisin. Non pas un bébé, un grand seigneur de l'amitié. Et pour avoir son amitié, faut lâcher un paquet de billets. Jay, il annonce sa carrière. Il a déjà écrit jusqu'aux enfers. Et moi, à travers son cœur, je lui dis, tu casses, même si je peux pas rentrer dans son intérieur. Je suis dans la street comme un Tony Triant. Je reste bloqué sur ma PlayStation, tellement ce monde est stupide. Et ça lasse une dédicace. Je suis pas sûr d'en vouloir une à ma vie. Car avec vous, je serai obligé d'acheter mon île pour me barrer et suivre ma vie, construire une vie de famille. Reprenez. J'en place une pour les tarés, ceux qui sont venus m'écouter. Mine Maïka, on rêve. On rêve d'un ciel un peu plus beau que le soleil à dans les cieux. Que demain soit beaucoup mieux, qu'en prenant nos mains ensemble, on s'en serait. Car le monde a bien changé. L'énergie nucléaire a établi sur la Terre son empire dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts, grands espaces verts, pour laisser place à tant de béton. De pistes en coudron qui sont entrées dans notre quotidien. Le mot pollution, votre petite grande civilisation. Oh nananana. C'est dur, hein, parce qu'il y a une mauvaise atmosphère, je vous le dis. Hein, c'est dur de contrôler ses émotions ici, mais en studio, ça va fracasser bon. Mais au Yuka, ça fait bam bam avec une guitare. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ah, en plus, ça va y avoir une guitare. Donc, si on pouvait mettre pour moi une instrumentale un peu plus ragga dancehall pour ambiancer la folle, des folles, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un, si, qui gère l'instrumental, s'il vous plaît. Merci. Parce que là, on va arrêter de chanter du reggae sur une salle qui n'existe pas, parce que le reggae, ça s'écrit. Les chansons, elles doivent s'écrire, sinon c'est du sound system. Et là, la basse, c'est plus un problème. Du ragga dancehall, s'il te plaît. Du ragga dancehall, instrumental dancehall même. Allez, on va y aller. Aïe. Les women, pour satisfaire les women, même si on va écrire du sale parce que ça sera pas de la woman. Doudou, prends un micro. Yo, prends un micro après. Oui, on prépare la musique. Pour l'impro, ouais, vas-y. Attends, on entend rien. Petit coup de pub. Chic, croquis pour le fun. Let somebody, let's go. Mais Marika à la radio. C'est pour les zinzins, les marsipilamis. La femme et l'homme. Nagen. Elle est belle et je suis bête. Elle est belle et je l'imagine en fait. Elle est belle et je la prends essentielle. Je la caresse, sentimentalement parlant, en vaginal dans le respect. Je la prends sans stress, en délicatesse. Besoin de la lécher quand j'en ai envie. Comme le micro, je pourrais le. Yo, tu dis quoi? Parce que là, j'ai du mal à m'ambiancer dans cette salle. Sur un guerre de ragga dancehall, il faudrait faire du bouillon gabonais, petite Castello show. Rega beaufrais, pareil Marseille, c'était le classico. Écoute Renoir, si t'es pas chaud, moi je les baisse tous au kilo. Au kilo, eh, mon bébé est là, eh, elle est foudroyante tellement elle est sale. On avait écrit un texte, je l'ai pas ramené du tout, mais ça faisait du sale, ça faisait du bam, bam, bam, bam, bam. Ça faisait du ram, pa, ta, tam, tam. 2.0, change d'instru parce que le truc il est pas. On peut pas écrire ce qu'on veut faire là-dessus. En fait, c'est une version woman que tu dois dédicacer en délicatesse. T'as vu, c'est pas du bouillon quoi. Nous on veut faire du bouillon aujourd'hui. Faire du bouillon nous. Du bouillon nous. On veut allécher les go. C'est mon tour, je vais avec mon gars. Vas-y. Ok. Après c'est toi et après il y a Vincent. C'est parti. J'ai besoin de la guitare un peu, un petit tempo des guitares. Si c'est possible, merci. Écoute bien l'instru, tu vas comprendre ce que je demande. Je vais mettre un peu mieux le micro. Baby girl, c'est toi que je voulais dans ce monde qui m'a mis mal. Des enfants, je t'ai pas donné. La gueule était sucrée. La hyène était avec ma Kaya. Sous le système, ouais. Ok, pour moi, la basse n'est pas un problème. C'est le rythme de ton boda qui fait mon système. J'aime quand tu le bouges sur moi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je pourrais te la mettre au fond. Je pourrais te la casser dans ton clitoris comme les accords. Pour être en enceinte comme la chevière. Je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Apprendre à aimer. Mais ma bite pour toi le sang. Je la mets en hélicoptère. Avec des pièces de sang. Franchement, je dirais que là je suis en train de m'afficher. Ok. Merci tout yo-yo, eh. Un vrai mec de l'Afrique, eh. Camerounais, eh. Je te le dis, ma gueule, eh. Tu es dans mon cœur, ouais. Avec la zig de la guitare, ouais. J'ai t'ai tout donné, girl. Tu m'as mis mal. C'est toi que je voulais dans ce monde. Le but c'est retourner à l'instrument, t'as vu, c'est surorganisé de radio hein, ici. Hein. Ok, donc moi je vais. L'instrumental c'est bon, t'as fini avec Dedou ou tu vas encore lâcher des trucs dessus? Moi je suis venu sans texte et sans morceau écrit, vous connaissez déjà, c'est Makaya. Again, again, que de l'improvisation, c'était que de l'info et c'est à le niveau, viens chercher. La guitare et couper l'instrument. Coupe l'instrumental, de la guitare là. Voilà. Vas-y, tu peux jouer un peu de guitare juste pour voir le retour. Ouais. Merci. Après, je sais pas. Non, L'air de guitare est passionnant, tu vois. Mais ça, ça serait à jouer un truc un peu où je serais tout seul, quoi, en fait. Dehors, sur un brin d'herbe, parce que c'est compliqué de réagir à tout le monde. Donc on laisse parler l'instrument, ça fait du bien. Belova, t'es devenue belle avec moi, ouais. Mais Monica Bellucci n'était pas de taille face à moi. Le soleil est arrivé devant toi, mon cœur. Le dessus de ma vie a pris le dessus. Ah, Martin, si tu me laisses, tu me laisses en blanc. Il y a les instruments qui parlent, on n'a pas besoin. On peut juste danser et rajouter un instrument, quoi. Puis, en fait, instrument de base, en fait, normalement, ça devrait être moi. En fait, s'il y en a un qui fait qu'une note, voilà, fais la note, décide. Ouais, si tu veux, toi, moi j'ai la table, ça me suffit. En fait, quand on démarre un truc de musique comme ça, un peu reggae, je pense qu'il faut démarrer juste par un tempo seulement et après les autres viennent traditionnels. Découvrez la nouvelle classe Kinder Bueno, tout simple. Quincophonie et après on passe à la pub. Ça va me motiver un peu, parce que là, ça me motive un peu, je vais mettre du un peu de truc. Attends, mon gars. Ouais, je suis là. Ok. On n'est pas fatigué. Ça prend tout bas. Les mecs de la West Coast, c'est ça, eh. Ok. Oh, ça prend plus, hein. Petit solo, ça vous dérange pas? Je peux faire un petit solo avec la guitare. Vas-y, fais un solo. Merci. Je me rapproche des instruments. Ouais. Ok. Merci. 5 minutes, 3 minutes chacun. Ouais, justement, je passe les micros quand j'ai fini avec le tempo. Je la laisse, moi, c'est dans son solo. Ah, tu sais, quand l'instrument commence, tu le laisses. Pareil au même avec une femme ou deux, sans pareil au même, parce que demain ça sera sûrement pas la même façon de l'emprunter, de la regarder, de l'imiter, de la faire surtout rigoler, car dans son sourire je vais trouver Son surnaturel beauté évidentielle. Elle sera mon essentiel. Et j'espère qu'avec elle je partirai jusqu'au surnaturel. Le paradis existait-il pour les cons comme nous? Moi je ne le pense pas. Que là-bas ça se passe comme chez toi. Y'a les lois qui sont faites pour être manifestées, d'autres qu'on plus rien à prouver. Tiens, c'est lui qui décide du ciel, c'est lui qui s'empare des étoiles. Vous envoyez des fusées pour qu'on contrôle la pluie et le beau temps. Je mange ma pizza 4 saisons devant ma télévision. J'en place une pour les bouffons. Aya Nakamura n'est pas grosse, elle n'est pas si grosse que ça. Je l'ai eue devant moi, je ne le savais même pas. De temps en temps, elle m'adresse dans l'intérieur de moi un envie de courir dans l'ivresse, chercher mon Jack D. Peut-être que quand ma paye va tomber, ils vont tous se barrer. Ou peut-être que moi, je vais aller dans mon 9-5. Parce que là-bas dans le bus, j'ai le droit de mettre la basse à volonté. Le contrôleur de ticket, c'est lui qui doit brincer. Radio Métanoïa, au revoir. Système politique à la con. À la semaine prochaine. Merci, Makaya. Allô. Il est 17h. Merci beaucoup à tout le monde. C'est terminé. C'est fini, là. Mais une musique, au moins. Le Breton est trop fort. Je sais pas qui est. Mais si, c'est derrière du cap, là. Ouais, je sais pas, jeune, vous savez, on me promet des dulcinés à droite à gauche, un mariage, une compagnie, je m'intéresse pas à ça. Ah, vous avez bien raison. Je suis dans un monde de fous et j'ai les gens embarqués, et j'ai envie un peu monde de fous. Voilà, je vais prendre une petite. C'est super, allez, je vais ça. C'est fait des trophies, elle est tellement belle, y'a que trop belle. Après, pour le démarrer, là, ça.